إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue ce soir la lecture et l'étude du chapitre de la purification du livre du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى intitulé منهج السالكين. Nous allons voir aujourd'hui les paroles de l'auteur رحمه الله تعالى concernant ce qui est interdit à la personne lorsqu'elle est en état d'impureté. Et enfin, nous verrons quelques questions que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées concernant les règles liées aux menstrues. Il a donc dit rahimahullah وَمَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَسْخَرٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَوَّلًا أَنْ يُصَلِّي ثَانِيًا وَلَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثَالِثًا وَلَا يَمَسَّ الْمُصْحَفُ. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Et celui qui est en état d'impureté mineure. » On a vu que l'état d'impureté, il se divise en deux. État d'impureté mineure, qui rend obligatoire les ablutions, et l'état d'impureté majeure, qui rend obligatoire le ghusl. Donc ici, il nous mentionne les choses que l'on ne peut pas faire sans ablution. Celui qui est en état d'impureté mineure, il ne lui est pas permis, premièrement, de prier. Deuxièmement, de faire le tawaf autour de la maison, c'est-à-dire de tourner autour de la Kaaba. Et troisièmement, de toucher le mushaf. Donc concernant l'interdiction de prier en état d'impureté, ceci est clair, on l'a déjà mentionné en début de chapitre, étant donné que la purification est une des conditions principales de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah n'accepte pas la prière de celui qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Il est donc obligatoire pour la personne qui souhaite prier d'accomplir ses ablutions. Et il ne lui est pas permis d'accomplir la prière sans faire ses ablutions. Et si elle prie sans ses ablutions, alors la prière n'est pas valide. Puis le Shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne l'interdiction du tawaf. C'est-à-dire que celui qui n'a pas les ablutions, qui est en état d'impureté mineure, il ne peut pas faire le tawaf. Le fait de tourner autour de la Kaaba. Ils ont mentionné comme preuve le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « Le tawaf autour de la maison, c'est-à-dire autour de la Kaaba, est une prière. Sauf qu'Allah vous a permis durant celui-ci de parler et celui qui parle, qu'il ne parle que pour dire du bien. » La majorité des gens de science on donc dit qu'il était interdit de faire le tawaf en état d'impureté mineure et qu'il est obligatoire pour celui qui est en état d'impureté de faire les ablutions afin de pouvoir faire le tawaf. Ils ont dit au sujet de ce hadith que de la même manière que les ablutions sont obligatoires pour la prière, elles sont alors obligatoires aussi pour le tawaf, étant donné qu'il nous est mentionné dans ce hadith que la différence qu'il y a est qu'il nous est autorisé de parler. Donc, de la même manière que l'on va faire les ablutions pour prier, on va faire les ablutions aussi pour faire le tawaf. Et de la même manière que la prière n'est pas valide sans ablution, le tawaf lui aussi n'est pas valide sans ablution. Mais certains parmi les gens de science ont dit qu'en réalité ceci ne constitue pas une preuve. Tout d'abord, parce que le tawaf en réalité il se différencie de la prière sur d'autres points. Par exemple, dans la prière, il n'est pas permis de faire des mouvements répétitifs sans raison. Alors que pendant le tawaf, il t'est permis de bouger, tu vas d'ailleurs tourner autour de la Kaaba. Également, pendant la prière, il n'est pas permis de boire, alors que pendant le tawaf, ceci est permis. Ainsi que d'autres distinctions. Malgré cela, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous explique que le plus prudent pour la personne est de faire ses ablutions pour faire le tawaf, étant donné que c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté de lui de manière authentique. Toutefois, le simple fait qu'il faisait les ablutions ne démontre pas l'obligation, mais cela nous démontre la recommandation. Puis le Shir, rahimahullah ta'ala, de dire, selon le sens résumé et rapproché de sa parole, que la personne fera donc les ablutions avant de faire le tawaf, mais que si au cours de son tawaf, elle perd les ablutions, et qu'elle se retrouve dans la foule, et qu'il est compliqué pour elle de sortir de cette foule, de retourner faire les ablutions, puis de recommencer son tawaf, alors dans ce cas-là, nous dirons que l'avis le plus juste est que les ablutions ne sont pas une condition de validité du tawaf. D'autant plus s'il ne lui reste que quelques tours ou quelques pas. Dans cette situation, elle finira son tawaf, et son tawaf est valide, insha'Allah ta'ala. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha, lorsqu'il lui a dit, alors qu'elle était en état de menstrue, fais ce que font les pèlerins, sauf que tu ne feras pas le tawaf autour de la maison. Alors ceci nous démontre l'interdiction du tawaf pour la femme en état de menstrue, en état de grande impureté. Mais cela n'est pas une preuve démontrant l'obligation des ablutions pour le tawaf. Il faut donc faire la distinction entre ces deux situations. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, le troisième point, et il ne touche pas le mushaf. Le mushaf, donc, c'est-à-dire le livre sur lequel sont imprimés les versets du Coran. Ils ont mentionné comme preuve à ce sujet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Ils ont donc dit, ceci est une preuve que celui qui n'est pas purifié, il ne peut pas toucher le mushaf. Et ils ont également mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est rapporté, ne touche le Coran qu'une personne pure. Et les gens de science ont divergé concernant la compréhension de ces textes. Comme vous venez de l'entendre, certains ont dit que cela indique l'obligation pour la personne de faire les ablutions lorsqu'elle veut toucher le mushaf. D'autres ont dit que ceci ne constitue pas une preuve. Car tout d'abord, ce qui est visé par le verset, Al-Mutahharun, les purifiés, ce sont les anges en ce qui concerne la tablette préservée. Et concernant le hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne touche le Coran qu'une personne pure, c'est-à-dire ne touche le Coran qu'un musulman. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le musulman ne devient pas impur. Le musulman, il est toujours pur. Et ceci est confirmé par l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de voyager en terre ennemie avec le mushaf, et ce afin d'éviter qu'il se trouve entre les mains d'un mécréant qui pourrait le souiller ou autre chose encore. C'est pour cela donc que certains savants, comme Shawkani rahimahullah ta'ala, et parmi les contemporains, le cheikh de nos mashayikh, l'imam Mukbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ont dit qu'il est permis aux musulmans de toucher le mushaf, même s'il est en état d'impureté mineure. Car il n'y a aucune preuve claire et explicite démontrant l'interdiction pour lui de toucher le mushaf. Et on parle bien entendu ici du toucher. Quant à la lecture, elle est permise sans ablution. Pour celui qui récite ce qu'il a mémorisé, ou alors qui lit sans toucher le mushaf, ou alors qui lit à partir des appareils modernes comme un téléphone, une tablette, un ordinateur ou autre, ou alors qu'il y a à partir d'un livre dans lequel il y a le Coran et le tafsir, que ce n'est pas simplement un mushaf. Tout cela est permis sans ablution et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Toutefois, il reste recommandé d'être en état de pureté de manière générale et d'autant plus lorsque tu t'apprêtes à accomplir une adoration comme le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la lecture du Coran. Mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne les choses qui sont interdites en état d'impureté majeure. Et il dit, وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ. Et s'ajoute à cela, c'est-à-dire aux choses mentionnées précédemment, il s'ajoute à cela pour celui qui est en état d'impureté majeure. On comprend donc que celui qui est en état d'impureté majeure, tout ce qui a précédé lui est interdit aussi. Mais s'ajoute à cela, premièrement, أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ, qu'il ne lit rien du Coran. Donc on voit la différence entre l'état d'impureté majeure et l'état d'impureté mineure. Celui en état d'impureté mineure, il peut lire le Coran. Mais celui en état d'impureté majeure, le shir nous dit, il ne lit rien du Coran. La preuve à ce sujet sont des hadiths rapportés de Ali radiallahu ta'ala anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous lisait le Coran en toute situation, tant qu'il n'était pas en état de janaba. Et dans une autre narration, rien ne l'écartait du Coran si ce n'est la janabah. Et les gens de science ont divergé quant à l'authenticité de ces paroles rapportées de Ali, radiallahu ta'ala anhu. Ceux qui ont considéré qu'elles sont authentiques ont dit que cela est une preuve que celui qui est en état de janaba ne doit pas lire le Coran. Et d'autres ont dit que cela ne peut pas servir d'argument et que l'interdiction nécessite une preuve. Et en l'absence de preuve, la base reste la permission. Toutefois, le mieux et le plus prudent est de s'écarter de la lecture du Coran avant de faire le roussel. Car ceci est une chose simple, et généralement, la personne ne va pas rester un long moment en état de grande impureté. Donc, il va faire le roussel, puis ensuite, il pourra lire le Coran, Inch'Allah ta'ala. Quant au fait de faire du dhikr, comme le dhikr du matin ou du soir, ou autre parmi les formules de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la personne est en état de janaba, alors il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. En effet, il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du rappel d'Allah en toute situation. Il est donc permis à celui qui est en état de janaba de faire les adhkar, que ce soit les adhkar du matin ou du soir, ou autres parmi les formules de dhikr. Et ici, une question se pose. Qu'en est-il des adhkar qui contiennent certains versets du Coran, comme le fait de réciter Ayat al-Kursi le matin, ou le soir, ou avant de dormir, et ainsi de suite, parmi les adhkar pour lesquels on récite des versets ou certaines courtes sourates du Coran? La réponse à ce sujet est qu'il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala, comme cela est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, qui a dit qu'il n'y avait pas de mal à lire un ou deux versets pour celui qui est en état de janab. Donc tout ce que l'on vient de mentionner concerne, le shirk nous dit, l'état d'impureté majeure. Mais ce que l'on a mentionné concerne précisément l'état de janab. Donc, qu'en est-il pour la femme en état d'impureté majeure lors de ses menstrues ou ses logis? Peut-elle, oui ou non, réciter le Coran? Les gens de science ont dit que la femme en état de menstrues ou de logis, il lui est permis de lire le Coran, d'autant plus si elle craint d'oublier ce qu'elle a mémorisé, ou alors si elle est enseignante ou étudiante et qu'elle a besoin de réciter le Coran pour cela. Et ils ont dit qu'elle est différente de celui qui est en état de janaba, car celui qui est en état de janaba, il lui est possible rapidement de faire le roussel et de se purifier et de pouvoir ensuite lire le Coran. Quant à elle, elle est obligée d'attendre d'être pure pour pouvoir se purifier par le roussel. Elle est donc dans l'impossibilité de se purifier. C'est pour cela qu'ils ont fait la différence entre sa situation et la situation de celui qui est en état de janaba. Il n'y a donc pas de gêne pour elle à lire le Coran, que ce soit dans les adhkar, ou pour sa révision, ou pour sa lecture et son apprentissage. Il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, parmi les choses interdites à celui qui est en état d'impureté majeure, « وَلَا يَلْبَثُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا وُضُوءٍ » Et il ne reste pas à la mosquée sans ablution. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc qu'il est interdit pour celui qui est en état de janaba de rester dans la mosquée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'asseoir dans celle-ci, ou dormir, ou s'y reposer ou autre. Mais la seule chose qui lui est permis est de passer dans la mosquée en cas de besoin. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 43 de Surat An-Nisa, lorsqu'il dit « وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » De même que pour celui qui est en état d'un janaba, sauf si vous ne faites que passer, et ce, jusqu'à ce que vous fassiez le roussel. Le début du verset, c'est quoi? Selon le sens rapproché, c'est « Ô les croyants, n'approchez pas la prière. » Puis un peu plus loin, il nous dit « وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ » De même que celui qui est en état de janaba, sauf s'il ne fait que passer. Ce verset est donc une preuve qu'il est interdit pour celui qui est en état de janaba de rester dans la mosquée. Sauf s'il a un besoin de traverser la mosquée, par exemple, ou de rentrer y récupérer une chose, ou autre chose semblable. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, car cela fait partie de l'exception mentionnée dans le verset. Par conséquent, si la personne dort dans la mosquée, et pendant qu'elle dort, elle fait un rêve et se retrouve en état de janaba, alors dans ce cas-là, les gens de science ont dit qu'il est obligatoire pour elle de sortir immédiatement. ou pour faire le ghusl, ou alors, au minimum, les ablutions, comme l'auteur l'a mentionné. Il ne reste pas dans la mosquée sans ablution. C'est-à-dire que s'il a besoin de rester, alors il lui est légiféré de faire les ablutions. Et ce, car cela est rapporté de certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'ils s'asseyaient dans la mosquée en état de janaba lorsqu'ils faisaient les ablutions, comme on le fait pour la prière. C'est-à-dire qu'ils faisaient le wudu de la même manière qu'on le fait pour la prière, afin de pouvoir rester dans la mosquée en état de janaba. Quant à la femme qui a ses menstrues, ou ses lochis, il apparaît des textes qui lui est permis de s'asseoir dans la mosquée tant qu'elle ne craint pas de la souiller. Car aucune preuve claire et explicite ne lui interdit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, alors qu'il lui avait demandé de lui passer une chose qui était dans la mosquée. Elle répondit alors, j'ai mes menstrues. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, tes menstrues ne sont pas dans ta main. Également, il est rapporté qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme qui vivait dans une tente dans sa mosquée. Et il n'y a pas de doute qu'il lui est arrivé ce qui arrive aux femmes, comme les menstrues ou autres, et ceci nous prouve qu'il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Quant à la parole qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il aurait dit, la mosquée n'est pas permise pour celle qui a ses menstrues, ni pour celui qui est en état de janaba, alors ce hadith est un hadith dont la chaîne de transmission n'est pas authentique, comme l'a mentionné le shaykh de nos mashayikh, l'imam Mugbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. En résumé, concernant ce sujet, on dit donc qu'il n'est pas permis pour celui qui est en état de janaba de s'asseoir dans la mosquée, sauf s'il fait les ablutions, mais il lui est permis d'y passer s'il y a un besoin. Quant à la femme qui a ses menstrues, alors elle peut y passer et elle peut s'asseoir dans celle-ci s'il y a un besoin, comme par exemple si elle doit assister à un cours ou autre et il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Quant au fait de manger, de boire ou de dormir, lorsque l'on est en état d'impureté majeure, alors ceci est permis, toutefois, il est recommandé avant cela de faire les ablutions. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapportent que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir alors qu'il est en état de janaba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit oui, si l'un d'entre vous fait les ablutions alors qu'il dorme en état de janaba. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en état de janaba et qu'il voulait manger ou dormir, il faisait ses ablutions comme on le fait pour la prière. Ceci nous prouve donc qu'il est recommandé pour la personne qui souhaite manger ou dormir alors qu'elle est en état d'impureté majeure de faire ses ablutions. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala nous dit وَتَزِيدُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَى et s'ajoute à cela pour celle qui est en état de menstrues ou de logis. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mentionné avant lui est interdit et s'ajoute à cela, il dit premièrement أَنَّهَا لَا تَصُمْ premièrement, elle ne jeûne pas. Et ce, comme le démontre le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. D'après Abu Sa'id al-Khudari radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un sermon qu'il adressait aux femmes, n'est-ce pas que lorsque l'une d'entre vous a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Elles répondirent si. Il dit ceci et sa diminution dans la religion. Ceci nous prouve donc que lorsque la femme est en état de menstrues de loshi, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Et elle devra rattraper le jeûne et pas la prière. Comme le démontre la parole de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, ceci nous arrivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait de rattraper le jeûne et pas la prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, toujours mentionnant les choses qui sont interdites pour celle qui a ses menstrues ou ses lochis, وَلَا يَحِلُّ وَتْؤُهَا et il n'est pas permis d'avoir des rapports avec elle, c'est-à-dire des rapports intimes. Comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 222 de surat al-Baqarah, lorsqu'il dit فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ et écartez-vous des femmes durant leur menstrue, c'est-à-dire écartez-vous des rapports intimes avec elles. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient pures. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala a dit وَلَا تَلَاقُهَا et il n'est pas permis non plus de la répudier. C'est-à-dire que le fait que l'homme répudie sa femme lorsqu'elle a ses menstrues, ceci est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset de sourate At-Talaq, فَتَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ répudiez-les conformément à la période prescrite. Quelle est la période prescrite? Il est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, qu'il a répudié sa femme alors qu'elle avait ses menstrues, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Umar a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Il répondit, ordonne-lui de la reprendre et de la garder jusqu'à ce qu'elle se purifie, puis qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle se purifie. Après cela, s'il veut, il la garde et s'il veut, il la répudie avant de la toucher, c'est-à-dire avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Telle est la période prescrite qu'Allah a ordonnée pour répudier les femmes. On voit donc très clairement à travers ce hadith qu'il n'est pas permis à l'homme de répudier son épouse dans deux situations. Lorsqu'elle a ses menstrues et lors d'une période de pureté après avoir eu des rapports intimes avec elle. Et tout ceci nous montre la sagesse immense de cette législation, la législation de l'islam, qui a légiféré des choses afin que cette décision ne soit pas prise à la légère, mais que la personne prenne le temps de la réflexion et qu'elle ne s'empresse pas dans ce genre de décision. En effet, il se peut que la femme, lors de sa période menstruée en raison de certains changements hormonaux, son comportement change et que ceci déplaise à son époux. Et certains comportements pourraient alors le pousser dans la précipitation à se séparer d'elle. Toutefois, cela est interdit. Mais il doit attendre qu'elle soit pure. Et il ne lui est pas permis de la répudier avant cela. Et cela lui laisse le temps de la réflexion, de ne pas s'empresser. Une fois pure, s'il a des rapports avec elle, alors également, il lui sera interdit de la répudier. Mais il devra encore attendre qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle se purifie. Et tout ceci afin de préserver les foyers musulmans. Malheureusement, aujourd'hui, ces règles sont parfois ignorées ou parfois négligées et oubliées ou délaissées volontairement par nombre de personnes, wallahu al-musta'an, qui transgressent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des règles du mariage et des règles du divorce. Il incombe donc aux musulmans de s'instruire à ces sujets afin d'accomplir ce qui lui incombe de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit Babul Hayd, chapitre des menstrues. Puis il dit rahimahullah, Wal aslu fi dam alladhi yusibu al mar'a annahu hayd. La base concernant le sang qui atteint la femme et que cela est des menstrues. C'est-à-dire le sang qui coule de ses parties, la base le concernant. Et que cela est le sang des menstrues. Il dit, rahimahullah, bila haddin li sinnihi, wa la qadrihi, wa la takarrurihi. Il dit sans délimitation concernant l'âge, ni le temps, c'est-à-dire le temps durant lequel il coule, ni même sa répétition. Et ce, car il n'y a aucune preuve religieuse démontrant une quelconque délimitation à ce sujet. Il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, démontrant que l'âge minimal des menstrues est par exemple 9 ans, ou que l'âge maximal des menstrues est 50 ans. Ceci sont des choses que l'on peut trouver dans les paroles de certains parmi les gens de science. Mais ces avis sont dénués de preuves. De la même manière, il n'y a rien dans la législation qui démontre que le cycle des menstrues est un nombre de jours minimal ainsi qu'un nombre de jours maximal. Donc, comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, la base à ce sujet et que le sang que perd la femme est le sang des menstrues. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, va nous donner une exception. Et il dit, illa in adbaqa ad-damu 'ala al-mar'a aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadha. Il dit, sauf si le sang coule continuellement de la femme, ou alors qu'il ne s'interrompt que très peu, il ne s'interrompt que quelques jours dans le mois. Alors, dans ce cas-là, elle sera considérée comme en état de métrorragie. Les métrorragies, cela désigne le fait que le sang coule en dehors du cycle mensuel, en raison de la rupture d'une veine ou autre chose semblable. Et celle qui est en état de métrorragie, sa situation est problématique concernant sa prière et son jeûne, étant donné qu'il se peut qu'elle ne puisse distinguer entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies. Donc, si le sang coule continuellement, ou la majorité du temps, quand est-ce qu'elle devra se considérer en état de menstrues, et quand est-ce qu'elle devra se considérer en état de métrorragie et ainsi pouvoir prier et jeûner? Car celle qui est en état de métrorragie, elle est considérée comme pure et purifiée. Elle peut prier et elle peut jeûner. Elle n'est pas comme celle qui a ses menstrues ou ses logis. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous donner trois situations afin de sortir de cette situation problématique. Il dit dans ce cas-là, فَقَدْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا. Le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ lui a alors ordonné de s'asseoir, c'est-à-dire de délaisser la prière et le jeûne, durant le temps de son cycle. C'est-à-dire que si avant d'être atteinte de métrorragie, elle avait un cycle connu, elle savait par exemple que ses menstrues la touchaient durant 5, 6 ou 7 jours durant le mois, à des temps particuliers, au début du mois, au milieu du mois ou à sa fin. Elle connaît donc le moment où viennent les menstrues, ainsi que le nombre de jours. Il dit alors celle-ci, elle devra délaisser la prière et le jeûne le temps de son cycle habituel, et elle se considérera comme un état de menstrue. Puis une fois le temps de son cycle habituel terminé, elle fait le rousl, puis elle prie, et elle considère le sang qui continue de couler comme le sang des métrorragies. Et ce, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Habiba, radiyallahu ta'ala anha, reste ainsi, c'est-à-dire en délaissant la prière et le jeûne, le temps que te retenaient tes menstrues, c'est-à-dire de ton cycle habituel. Puis fais le rousl et reprends la prière. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et il a également dit à Fatima, bint Abi Hubaysh, radiyallahu ta'ala anha, ceci provient d'une veine, c'est-à-dire de la rupture d'une veine ou autre chose semblable. Et ce ne sont pas des menstrues. Donc, lorsque viennent tes menstrues, délaisse la prière. Et ce hadith est rapporté par les imams, al-Bukhari et muslim, rahimahumallah ta'ala. On voit donc à travers cela que la première situation pour la femme en état de métrorragie, c'est qu'elle avait auparavant un cycle habituel, qu'elle connaît son début, sa fin et son moment. Dans ce cas-là, le temps de son cycle, elle délaisse la prière, le jeûne et les autres choses qui doivent être délaissées par la femme en état de menstruée et de logis. Puis une fois son cycle terminé, elle fait le rousl et elle reprend la prière. La deuxième situation, le cheikh nous dit, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَإِلَى تَمْيِيزِهَا. Et si elle n'avait pas de cycle, elle n'avait pas de cycle connu, alors par la distinction, c'est-à-dire la distinction du cycle, et ce, à travers la distinction du sang. Car le sang des menstrues est différent du sang des métrorragies, en termes de couleur et autres parmi ses caractéristiques. Et les femmes sont plus savantes à ce sujet. Donc dans cette situation, la femme devra observer la distinction de son sang. Lorsqu'elle reconnaît les caractéristiques du sang des menstrues, elle délaisse la prière et le jeûne, et lorsque cela est différent et qu'il n'a pas les caractéristiques du sang des menstrues, alors elle fait le rousl et reprend la prière et le jeûne et elle est considérée comme pure. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Abi Hubaysh, lorsque cela est le sang des menstrues, alors il est noir et reconnu. Dans ce cas-là, délaisse la prière, et si c'est l'autre sang, fais tes ablutions et prie. Il lui a donc ordonné d'observer la distinction entre les caractéristiques du sang qui coule. La troisième situation, le shir nous dit, rahimahullah, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ فَإِلَى عَادَةِ النِّسَاءِ الْغَالِبَةِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ. Il dit, et si elle ne peut pas distinguer cela, donc elle n'a pas de cycle habituel, et elle ne peut pas distinguer, alors elle revient au cycle habituel des femmes qui est de 6 ou 7 jours. Car la majorité des femmes ont un cycle de 6 ou 7 jours par mois. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahamna bint Jahsh, tu seras en état de menstrues 6 ou 7 jours, puis tu feras le rousl et prieras durant 24 ou 23 jours. Prie et jeûne. Et cela est valide de ta part, fais ainsi comme le font les femmes pour leurs menstrues. Il a donc statué, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles devaient se considérer en état de menstrues le même nombre de jours habituels du cycle chez la majorité des femmes. On voit donc que la base est que la femme doit revenir à son cycle habituel. Si elle n'a pas de cycle habituel, elle regarde la distinction à travers les caractéristiques du sang. Et si elle ne peut pas, car le sang ne se distingue pas, alors dans ce cas-là, elle revient au cycle habituel de la majorité des femmes, qui est de 6 ou 7 jours. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, termine en disant « Wallahu a'lam » et Allah est plus savant. Et il reste un point ici à mentionner, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas abordé, et qui concerne ce qui incombe à la femme en état de métrorragie lorsqu'elle est considérée en état de pureté. Premièrement, il est obligatoire pour elle de faire le ghusl à la fin de ses menstrues selon l'une des 3 manières que l'on vient de mentionner, que ce soit la fin du cycle habituel, ou alors qu'elle distingue que le sang n'est plus le sang des menstrues, ou alors qu'elle a terminé 6 ou 7 jours comme le font les femmes habituellement. Ensuite, elle devra nettoyer ses parties intimes en retirant le sang qui peut s'y trouver avant chaque prière et mettre une protection afin que ses vêtements ne soient pas atteints par ce sang qui coule, puis faire ses ablutions avant chacune de ses prières. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit au sujet de la femme en état de métrorragie, elle délaisse la prière, puis elle fait le ghusl et fait ses ablutions pour chaque prière. Ceci est donc ce qui lui incombe les jours durant lesquels elle est considérée comme en état de pureté. Un autre point que l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas abordé ici et qui concerne le nifas, c'est-à-dire les lochies qui désignent le sang qui coule après un accouchement. Et les lochies, elles sont semblables aux menstrues en ce qui concerne ce qui est permis ou non pour la femme, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit lorsqu'elle est en état de menstrues, comme les rapports intimes, la prière, le jeûne, le divorce, et ainsi de suite, cela lui est également interdit lorsqu'elle est en état de logis. De la même manière, il lui incombe, une fois que le sang cesse de couler, de se purifier par le roussel, comme elle le fait après les menstrues. Et il lui est obligatoire de rattraper le jeûne obligatoire qu'elle a manqué, si cela a été durant le mois de Ramadan, et de ne pas rattraper la prière, comme la femme qui a ses menstrues. Et les lochis durent généralement 40 jours, comme l'ont mentionné la majorité des gens de science. Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, les gens de science parmi les compagnons, et ceux après eux, sont unanimes concernant le fait que les femmes en état de lochis délaissent la prière 40 jours, sauf si elles voient la purification avant cela, elle devra faire le ghusl et reprendre la prière. Donc, si le sang des lochis cesse de couler avant la fin des 40 jours, c'est-à-dire 40 jours après l'accouchement. Dans ce cas-là, ses lochis sont terminés. Il lui incombe de faire le ghusl et de reprendre la prière, et elle peut aussi reprendre toutes les choses qui lui étaient interdites durant les lochis. Et nombre de personnes interrogent concernant la situation de la femme qui fait une fausse couche. Si du sang coule après cela, est-elle considérée ou non en état de lochis? La réponse est que si se distingue la formation de l'enfant, qu'on distingue ses membres, alors elle sera considérée comme un état de logis. Et généralement, ceci est le cas lorsque la fausse couche a lieu après 3 mois de grossesse ou au moins 81 jours. Mais si cela a lieu avant cela, ou alors que il n'y a pas de corps formé, mais que c'est simplement comme un morceau de chair ou un morceau de sang, sans aucun membre qui sont formés, alors dans ce cas-là, le sang qui coulera à la suite ne sera pas considéré comme du sang de logis, et elle devra continuer la prière et son jeûne, car elle ne sera pas considérée comme en état de logis. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on commencera dans le prochain cours le chapitre des règles de la prière. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.